Chapitre 31. Le non-lieu. Farouk avait une fille. En quelques secondes, la nouvelle avait traversé les étages, parcouru les jardins et monopolisé les ondes radiophoniques. Il fallut moins de temps encore à tous les nobles des environs pour prendre d'assaut le sanatorium, et ce malgré les protestations désespérées des infirmières. Chacun voulut être le premier à présenter ses félicitations au père et à adresser ses compliments à la mère. Les plus empressés furent ceux qui, une heure plus tôt, enterraient déjà Bérénilde. Bérénilde, enterrée. Assise près du berceau, les cheveux bien coiffés, le visage rayonnant et le sourire aux lèvres, elle était déjà prête à recevoir ses visiteurs. Ce fut en tout cas la brève vision qu'en eut Ophélie lorsque les sages-femmes ouvrirent la porte de sa chambre. Les courtisans étaient ensuite arrivés si vite et en si grand nombre qu'elle fut refoulée à l'autre bout du couloir avant même d'avoir pu apercevoir le bébé. Coincée entre les robes à crinoline et les manteaux de fourrure, toussant à cause des fumées photographiques, Ophélie aurait fini asphyxiée si Thorne n'était pas venu la dégager. « Partons, » maugréa-t-il. « Ma tante est maintenant capable de se défendre seule, et nous sommes attendus ailleurs. » Marcher à contre-courant d'une foule et ce dans un couloir exigu réclamait beaucoup de persévérance. Ophélie et Thorne finirent toutefois par accéder à la salle d'attente noire de monde où les nobles faisaient la queue jusqu'au sofa de l'esprit de famille. Sa fille venait à peine de naître que les propositions de fiançailles s'accumulaient déjà, qui mettant en avant sa fortune, qui vantant la valeur de ses fils. Tournant autour de lui un regard vide, Farouk ne comprenait visiblement pas ce que lui voulaient tous ces pères de famille. Ophélie emprunta l'escalier à la suite de Thorne. Ils y croisèrent les gendarmes de la brigade et les vieux artisans de la manufacture, portés malgré eux par les mouvements de foule. Gaël s'était hissé sur la rambarde comme un marin sur le beau pré d'un navire. Au-dessus des contingences humaines, elle mâchonnait une cigarette juste à côté du panneau, interdiction formelle de fumer. Plusieurs bousculades furent encore nécessaires à Thorne et à Ophélie pour sortir de l'établissement. Le baron Melchior, dont l'embonpoint ne lui avait pas permis d'entrer, vint aussitôt à leur rencontre en tapotant le cadran de sa jolie montre. « Sans vouloir vous affoler, il est midi. Nous n'avons plus que 12. »« Votre sœur a téléphoné. » Le coup à Thorne. « Elle a arrangé une rencontre avec Madame Hildegarde. Ne me demandez pas comment. » ajouta-t-il comme le baron Melchior lâchait sa montre de surprise. « Où est notre pilote ?» Hormis quelques domestiques qui mettaient de l'ordre sur les tables des buffets, il n'y avait plus personne dans les jardins. Les illusions festives commençaient à s'estomper sous un début de pluie. « Je serai votre chauffeur !» C'était Gaël qui leur avait lancé cette offre, cet ordre plutôt, en soulevant du doigt la visière de sa casquette. Elle les avait suivis et écoutés sans se faire remarquer. Sans attendre d'autorisation, elle écrasa sa cigarette, grimpa la passerelle du dirigeable et leur fit signe de la rejoindre à bord. « La patronne vous a donné rendez-vous. Ne la faites pas attendre. » Quelques minutes plus tard, le dirigeable quittait le sanatorium dans un bourdonnement d'hélices. Ophélie eut un dernier regard pour la luxueuse façade vers la 12e fenêtre du premier étage de l'aile est, là où une nouvelle vie palpitait et dont elle se sentait déjà responsable. « Je ne lui ai même pas encore choisi de nom, » murmura-t-elle. La pluie qui crépitait contre la coque s'interrompit dès que le dirigeable survola les sables d'opale. Au-dessus de lui, gravitant dans les strates supérieures du ciel, la cita-ciel servait de parapluie géant à toute la station balnéaire. L'ombre qui pesait sur les toits, sur les salines et sur les rochers était si dense qu'on se serait cru en hiver au beau milieu de l'été. Gaël manœuvra le gouvernail de façon à éviter les vapeurs des thermes et les câbles du téléphérique, puis elle entama une descente en direction du phare. Collée à la vitre, Ophélie se demandait où elle allait faire atterrir le dirigeable, étant donné qu'il n'y avait ni plaine ni parc au sable d'opale. La nihiliste choisit la plage de rochers la plus étendue à une centaine de mètres de la grande jetée, puis elle ouvrit la passerelle. Le vent, chargé de sel et d'embrun, s'engouffra aussitôt dans la cabine de pilotage. « Allez-y. Je me charge d'amarrer l'appareil, en espérant que ce ne soit pas un traquenard. » S'inquiéta le baron Melchior, qui descendait en retenant son chapeau. « Êtes-vous absolument sûr que c'était bien la voix de ma sœur au téléphone ?» Ophélie repoussa les cheveux qui s'accrochaient dans ses lunettes et élança son regard au-delà de la grève, tout au bout de la jetée, au pied de la tour blanche du phare à l'endroit où la mer faisait tourbillonner son écume. Une silhouette extravagante les observait. « C'est bien elle, » dit Thorne en se mettant en marche. Tout autour d'eux, la mer grondait comme un orage liquide. Plus ils remontaient la jetée, plus la silhouette qui les attendait au pied du phare gagnait en rondeur et en excentricité. Cunégonde portait ce qu'Ophélie supposa être une tenue de villégiature, avec son turban à plumes, ses cascades de colliers, son voile noir et sa robe de brocart d'or, elle aurait été plus à sa place dans un décor tropical. « Je savais que je pouvais compter sur votre indéfectible ponctualité, monsieur l'intendant. » roucoula Cunégonde dès qu'ils furent à portée de voix. « Du temps, voyez-vous, cette chère Hildegarde n'en dispose pas à volonté. » En se disant, la mirage sortit de son voile un impressionnant trousseau de sabliers noirs. « Enfin, Cunégonde, voudriez-vous m'expliquer ce que tout ceci signifie ?» exigea le baron Melchior, ses belles moustaches mises à mal par le vent. « Depuis quand friez-vous avec Madame Il... »« C'était donc vous ?» s'exclama-t-il soudain en écarquillant les yeux. « L'illusionniste anonyme des sablières, c'était vous ?» Cunégonde eut un sourire qui étira ses grandes lèvres rouges. « Mes imaginoires font faillite, petit frère. J'ai offert mes services à qui les apprécie vraiment. Hildegarde n'est pas seulement ma concurrente. C'est aussi une excellente femme d'affaires. Bien sûr, je savais que cette collaboration serait mal perçue, et c'est pourquoi je suis restée discrète. Mais bon, soupira-t-elle. Je suppose que ça n'a désormais plus grande importance. Les sabliers appartiennent d'ores et déjà au passé. J'ai tant de fois goûté à vos charmes sans le savoir. Se révulsa le baron Melchior comme si c'était là un acte incestueux. C'est donc que je ne suis pas l'artiste raté que vous croyez. Où est Hildegarde ? Intervint Thorne d'une voix tranchante. Cunégonde décrocha trois sabliers noirs de son trousseau et en remit un à chacun d'entre eux. Gênée par son bras en écharpe, Ophélie saisit le sien d'un geste malaisé. « C'est une plaisanterie !» s'indigna le baron Melchior en tenant son sablier noir du bout des doigts. « Pensez-vous sérieusement que nous allons dégoupiller des choses aussi douteuses par les temps qui courent ?» « Nous ne toucherons pas à ces sabliers avant d'avoir des explications, » dit Thorne. « Commencez déjà par nous parler de votre implication personnelle dans l'affaire des enlèvements. » Cunégonde se drapa dans une parodie de dignité, ses plumes batifolantes au sommet de son turban, ses innombrables colliers s'entrechoquant, tandis qu'elle portait solennellement la main à sa volumineuse poitrine. « Je ne suis concernée en aucune façon. » Ophélie n'entendit jamais la fin de la phrase. Cunégonde, Thorne, le baron Melchior, le phare, le vent, le ciel avaient disparu et la mer tout entière s'était tue. Ophélie se trouvait plongée dans la pénombre d'une pièce. Son regard hébété devina les fentes d'un plancher à ses pieds, remonta vers les poutres du plafond, puis loucha sur le sablier noir qu'elle tenait toujours en main. Elle vit, malgré le faible éclairage, que les grains avaient commencé à s'écouler. Quand Ophélie trouva la goupille accrochée dans une maille de son écharpe, elle comprit qu'elle avait déclenché le mécanisme sans même le faire exprès. Et évidemment, cela s'était passé au moment où personne ne faisait attention à elle. Combien de temps Thorne mettrait-il avant de s'apercevoir qu'elle avait disparu ? Il fallut quelques battements de cils à Ophélie pour s'accoutumer à la pénombre et dessiner les contours de la pièce. Cette dernière était entièrement construite en madrier et sentait fort le pain humide, évoquant un vieux chalet à l'abandon, un chalet sans porte ni fenêtre, d'après ce qu'Ophélie pouvait en juger. Tout au fond de la pièce, ramassée derrière un bureau dans le faible contre-jour d'une lampe, se tenait une ombre immobile. Le plancher émit un grincement monstrueux dès qu'elle esquissa un pas, l'ombre remua derrière le bureau, comme arrachée à sa somnolence. « Tu peux approcher, Ninia !» murmura la voix gutturale de la mère Hildegarde. « Tu peux approcher, mais ne franchis pas la ligne !» Ophélie rangea le sablier dans une poche. Elle fit grincer le plancher jusqu'à être arrivée devant un cordon de sécurité qui la tenait à distance respectable du bureau. La mère Hildegarde cessa d'être une ombre. Elle possédait à présent deux petits yeux noirs, enfoncés dans une vieille peau tavelée qui la regardait avec une attention soutenue. Les coudes sur son bureau, doigts entrelacés, elle était vêtue d'une robe affreuse à larges poches et gros boutons. Il y avait une enveloppe scellée posée devant elle, ainsi qu'un cendrier qui débordait de mégots. « Bienvenue dans mon non-lieu. Tu es seule, Ninia ?»« Pas pour très longtemps, » répondit Ophélie en espérant de toutes ses forces qu'elle avait raison. « Tu es nerveuse, » constata la mère Hildegarde avec satisfaction. « N'envisage pas de briser ton sablier pour écourter ce rendez-vous. C'est du verre incassable de plombor. Tu resteras ici, jusqu'à ce que tout le sable se soit écoulé. » Ophélie décida de ne pas tergiverser. « Savez-vous où sont les disparus ?»« Non, mais je sais pourquoi ils ont disparu. » La réponse de la mère Hildegarde, prononcée avec son accent très caractérisé, déçut profondément Ophélie. « Voilà qui ne nous avance pas beaucoup. » Nous savons aussi... Non, la coupa la mère Hildegarde. Vous, vous savez comment. Moi, et c'est pourquoi. Les boiseries de la pièce craquèrent furieusement et une planche du mur se fissura juste derrière l'architecte. Ophélie était trop absorbée par leur conversation pour se préoccuper des caprices du non-lieu. Pourquoi alors, d'après vous? La mère Hildegarde décroisa les doigts pour les agiter comme des marionnettes. De la main droite, on débarrasse la cour de ses plus grands agitateurs. De la main gauche, on fait porter le chapeau, le sablier, devrais-je dire, à maman Hildegarde. Ce serait donc un coup monté, dit Ophélie circonspecte. Ouais, on peut presque parler d'un coup d'État. Il y eut un grand fracas dans la pièce. Ophélie crut un instant que Thor ne la rejoignait enfin, mais ce n'était rien de plus qu'une étagère qui venait de se décrocher du mur. « Vous connaissez l'espace comme votre poche, » fit-elle remarquer en revenant à la mère Hildegarde. « Ne pourriez-vous pas au moins nous aider à retrouver Archibald et les mirages? Ce serait la meilleure manière de vous disculper. »« À quoi crois-tu que j'ai employé mon temps, Ninia? Y aller chercher partout, ton Augustin. J'ai, hélas, trop bien fait mon boulot d'architecte. » La citatielle est un vrai bric-à-brac. Autant chercher une aiguille dans du fond. J'ai entendu dire que le passage vers Arcanterre a été condamné. Ouais, je l'ai entendu dire aussi. Ce n'était pas de votre initiative, s'étonna Ophélie. Votre propre famille vous a abandonné ici? La mère Hildegarde haussa les épaules, peu émue. C'est la règle. Au moindre danger, les douanes ferment la rose des vents. Je leur avais promis que le clair de lune était l'endroit le plus sûr du pôle. J'ai été trahi par mes propres sabliers. Celle-là, je dois dire que je l'avais pas vu venir. Mais les disparus, insista Ophélie. Si quelqu'un les avait fait passer sur Arcanterre avant la fermeture du passage, s'ils se trouvaient tous là-bas à l'autre bout du monde, pendant que nous les cherchons ici. Ce serait pas de bol. Ophélie faillit passer par-dessus le cordon de sécurité. Les lattes du plancher s'étaient mises à gondoler sous ses pieds et toutes les boiseries de la pièce rugirent à l'unisson. La secousse cessa aussi vite qu'elle avait commencé. Le non-lieu semblait soumis à une pression extérieure qui essayait de le concasser comme une noix. « Vous disiez que c'était un coup monté contre vous ?» murmura-t-elle en massant son bras en écharpe. « Je ne vois pas à quel clan profiterait une machination aussi tordue. Et puis, qui vous détesterait à ce point ?» « Ne va pas y voir une affaire de sentiment, Ninia. L'amour et la haine n'ont pas leur place dans cette histoire. » La mère Hildegarde coupa la tête d'un cigare, puis y mit le feu avec une allumette qui illumina toutes les rides de son visage. « C'est plutôt une partie de cache-cache, une partie que je vais perdre, car je ne connais pas la fiole de l'autre joueur. Me fait vieille, y a qu'à voir cet endroit, » dit-elle en soufflant un nuage de tabac autour d'elle. C'est ma toute dernière création et s'arrêter ici à vue d'œil. J'ai transgressé trop de lois naturelles, je ne pourrai plus me cacher ici bien longtemps. Avec tous ces gendarmes et tous ces contrôles, je me ferai arrêter au moment même de poser un pied dehors. Je suis piégé, gamine. Ce n'est plus qu'une question d'heure. L'autre joueur finira par me retrouver, et il voudra me livrer au seul maître qu'il sert. » « De quel maître parlez-vous ? » murmura Ophélie, saisie. La mère Hildegarde lui désigna d'un mouvement de cigare le cordon de sécurité entre elles. « Celui qui brûle de franchir cette ligne. » « Le dieu des lettres ?»« Ce gars-là, ma petite. Mieux vaut éviter de croiser sa route. » ricana la mère Hildegarde en guise de réponse. « Et pourtant, c'est ce qui finit par arriver à ceux qui s'intéressent aux livres d'un peu trop près. » « Les livres ?» répéta Ophélie. « Parce que, vous aussi... » Les petits yeux noirs de la mère Hildegarde s'allumèrent comme des braises, et son sourire propagea des ondes de rides sur toute la surface de son visage. « Non, moi, je n'ai rien à voir avec ces histoires de bouquins. On me convoite pour une toute autre raison, mais je ne peux pas t'en parler. C'est, disons, une affaire de famille. Si tu veux mener une petite vie tranquille, laisse-moi te donner un bon conseil. Ne pose pas de questions et fouine le moins possible. Regarde ce qui est arrivé à Augustin. Regarde ce qui arrivera bientôt à Monsieur Thorne. » Ophélie fut parcourue d'un frisson glacé. Elle observa la mère Hildegarde puis l'enveloppe sur le bureau, de plus en plus troublée. « Pourquoi nous avoir donné ce rendez-vous ?»« Je te l'ai dit, Nina. Je suis vieille et fatiguée. » Il y eut un formidable craquement de plancher. Cette fois, c'était bien Thorne qui venait d'apparaître au milieu de la pièce, sablier en main. Sa haute silhouette se cogna contre une poutre du plafond et ses yeux, plissés à cause du changement d'éclairage, se tournèrent dans tous les sens avant de trouver Ophélie. « Depuis combien de temps êtes-vous là ? Vous ne pouviez donc pas m'attendre ?» Le baron Melchior surgit du néant à son tour et pivota sur lui-même comme une toupie désorientée. Il sursauta de tout son corps quand le plancher se fendit sous ses jolis souliers blancs. « Où sommes-nous ? Ah, madame Hildegarde ! » soupira-t-il en l'apercevant derrière son bureau. « Vous voici enfin !» Sans bouger de son fauteuil, la mère Hildegarde écrasa son cigare dans le cendrier et en alluma aussitôt un nouveau. « Ne franchissez pas la ligne, messieurs, por favor !»« Madame Hildegarde m'a appris des choses vraiment troublantes, » leur dit Ophélie. « Vous devriez la laisser parler. »« La Nina a raison. Ne perdons pas davantage de temps. Ceci... » déclara la mère Hildegarde en tapotant l'enveloppe scellée sur le bureau. « C'est ma confession écrite. J'avoue absolument tous mes crimes. Je me suis servi de ma manufacture pour enlever des mirages, et j'ai pris la fuite dès que ça a mal tourné. Quoi ?» balbutia Ophélie. « Mais... » « J'ai agi seul, de bout en bout, » précisa-t-elle en lançant l'enveloppe à Thorne avec une gestuelle de discobol. « Tout est écrit là-dedans. Je vous remercie donc d'avance de libérer mon chef d'atelier. » De laisser mes artisans en paix et de ne pas chercher des poux à la Cunégonde. » Ophélie eut le sentiment d'avoir raté une marche. Elle savait la mère Hildegarde capable de jouer la comédie pour protéger les siens, mais elle n'avait pas vu venir ce coup de théâtre-là. « Ma foi, voilà qui règle la question !» dit le baron Melchior en pianotant sur son ventre d'un air agréablement surpris. « Peut-être, madame, pousserez-vous l'obligeance jusqu'à nous dire où sont les prisonniers ?» La mère Hildegarde puisa une longue bouffée de tabac à son cigare. « Ils sont très bien là où ils sont, qu'ils y restent. »« Ne l'écoutez pas, » dit Ophélie en agrippant le bras de Thorne. « Ce n'est pas du tout ce dont on a parlé. » Thorne ne lui répondit pas. Ophélie sentit sous la manche noire du manteau que tous ses muscles s'étaient tendus comme des ressorts. Il fixait intensément le cordon de sécurité qui le séparait du bureau de la mère Hildegarde. En fait, dès l'instant où ses yeux s'étaient posés dessus, il ne s'en était plus détourné, comme si ce cordon constituait la chose la plus fascinante du monde. Il ne paraissait même pas remarquer que le non-lieu rétrécissait autour d'eux, de minute en minute, centimètre après centimètre, dans un épouvantable borborygme de bois cassé. Thorne finit par ranger l'enveloppe scellée dans une poche intérieure de son manteau. « Madame, vous êtes en état d'arrestation. » « Étant donné la gravité des faits et votre propension à prendre la fuite, vous serez placé dans une cellule carcérale de sécurité maximale. Je veillerai personnellement à ce que vous ne receviez aucun visiteur aussi longtemps que l'instruction l'exigera. » Ophélie se sentit consternée par la décision de Thorne. La mère Hildegarde en parut très amusée au contraire. « Oh non, je ne crois pas, mon gars. Et ne t'avise pas de franchir cette ligne. » avertit-elle quand Thorne empoigna le cordon de sécurité. « Tu ne ferais que précipiter l'inéluctable. » Elle savoura une ultime bouffée de cigare avant de l'écraser dans le cendrier. Cette fois, elle n'en alluma pas un autre. « J'aimerais dire un mot à propos de tout l'espace que j'ai déformé ici ces 150 dernières années. Les doublons, les raccourcis, les agrandissements et les lieux sécurisés resteront tous opérationnels. J'ai fait du bon boulot. C'est du solide. En revanche, vous pouvez faire une croix sur la rose des vents interfamiliale. Le passage avec Carcanter ne sera jamais rouvert. » Les moustaches du baron Melchior s'effondrèrent. « Alors quoi? Adieu, épices, agrumes, café et cacao ?» Ophélie n'aimait pas la tournure que prenait cette conversation, mais la mère Hildegarde poursuivit, imperturbablement. « La citacielle ne devrait pas se décrocher du ciel avant des siècles. J'avais signé un contrat avec des gars de chez Cyclope, à l'époque. Ils vous redonneront un ou deux petits coups d'apesanteur, si besoin. Quant à ce non-lieu, » dit-elle en promenant ses petits yeux noirs autour d'elle, « il disparaîtra de lui-même d'ici quelques heures. Vos sabliers vous feront évacuer l'endroit bien avant. » La mère Hildegarde eut un bref ricanement. « Je n'ai jamais rien fait d'aussi raté. Il était temps que je prenne ma retraite. » Tous les tendons de la main de Thorne se crispèrent autour du cordon de sécurité, comme s'il devait se faire violence pour ne pas le franchir. Ce fut d'une voix chargée d'électricité qu'il insista. « Madame, je vous demande d'être raisonnable et de me suivre. » La mère Hildegarde se leva péniblement de son fauteuil, ses articulations protestant aussi fort que les planches du non-lieu. « Je commence à voir clair dans ton jeu, mon gars. Tu es grand, mais crois-moi, tu n'as pas l'envergure. Quant à toi, Nina, » ajouta-t-elle en tournant son sourire vers Ophélie, « dis à ma Gaëlita qu'elle devra apprendre à peler ses propres oranges. » Sur ces mots, la mère Hildegarde enfonça une main dans l'une de ses poches. Ce geste aurait pu rester anecdotique si tout le bras ne s'était pas mis à suivre le mouvement, comme aspiré par le vide. Poignets, coudes, épaules, le buste entier de la mère Hildegarde se tordit sous sa robe avec un effroyable craquement d'os. La colonne vertébrale se rompit net au moment où la tête entra à son tour dans la poche, puis le reste du corps se contorsionna, se ratatina, se disloqua jusqu'à être entièrement avalé par le vide dans un grotesque bruit de succion. Il ne resta plus de la mère Hildegarde qu'un gros bouton de robe qui rebondissait sur le plancher. La scène s'était déroulée à une telle vitesse qu'Ophélie n'avait même pas eu le réflexe de crier. Lorsqu'elle réalisa ce à quoi elle venait d'assister, la pièce se mit à tournoyer autour d'elle, et ce n'était pas dû, cette fois, à un rétrécissement de l'espace. Ophélie se retint à une chaise, un spasme souleva son estomac. Jamais de toute sa vie, elle n'avait été possédée par un tel sentiment d'horreur. Le baron Melchior repoussa le cordon de sécurité avec sa canne, ramassa le bouton de la robe, puis il tourna vers Thorne, des yeux chargés de reproches. « Vous avez brusqué cette dame, avec vos manières, monsieur l'intendant. » Thorne ne répondit pas, sa main toujours cramponnée au cordon de sécurité pétrifié sur place. Il contemplait l'endroit où la mère Hildegarde se tenait debout un instant plus tôt. Ophélie fut incapable de lui adresser la parole pour la simple et bonne raison que son temps de sablier venait de s'écouler. La pénombre du non-lieu vola en éclats et une bourrasque de vent salé s'engouffra dans sa bouche, dans ses cheveux et dans sa robe. Elle se retrouva à son point de départ, seule. Cunégonde était partie. Et ni Thorne ni le baron Melchior ne pourraient briser leur sablier avant leur écoulement. Tout était fini. La mère Hildegarde possédait seule le pouvoir qui aurait pu localiser les disparus avant minuit, et elle venait de le retourner contre elle. Qui était donc ce dieu, à la fin, pour qu'elle lui préférât cette mort atroce? Ophélie se tourna vers le dirigeable qui flottait au-dessus des rochers de la plage. Quelques curieux s'étaient rassemblés autour de la passerelle. Elle reconnut parmi eux, en dépit de la distance, la tête flamboyante de renard qui se penchait sur Gaël. Gaël. Ophélie aurait-elle le courage de lui transmettre les derniers mots de la mère Hildegarde? Elle n'eut pas le loisir d'étudier longtemps la question. Une force invisible la projeta contre le mur du phare, puis la plaqua ventre à terre. Son coude lui envoya une décharge à travers tout le corps, mais cette douleur-là ne fut rien comparée à l'affolement qui la saisit quand elle cessa de respirer. « Cette fois, votre compte est bon !» haleta une voix familière contre sa nuque.